Bonjour. Bonjour. C'est Anne. Et Mélisse. Et aujourd'hui, on va vous parler de Marina Abramović. Marina Abramović est une artiste serbe. Elle est née à Belgrade, en Yougoslovaquie. Cette artiste est sortie des Beaux-Arts de Belgrade en 1970 et s'est lancée dans la performance en 1973. Une performance est un mode d'expression contemporain qui consiste à produire des gestes, des actes, au cours d'un événement, pour exprimer quelque chose. Ce sont les mouvements produits durant l'événement qui constituent l'œuvre. La performance contient souvent une part d'improvisation. Marina Abramović fait partie du courant artistique de l'art corporel. Autrement dit, elle utilise son propre corps comme médium et moyen d'expression. Dans ses performances, Marina Abramović met souvent son corps en danger, en lui infligeant par exemple des blessures, des agressions, de la brutalité. Son corps est mis à l'épreuve avec des objets dangereux ou des médicaments. En 1975, elle trouva un partenaire, Ulele Sipen. Ils ont vécu ensemble pendant 12 ans et collaboré pour leurs travaux artistiques. Leurs performances sont basées sur le principe masculin-féminin. Marina Abramović et Ulele Sipen se placent alors dans des situations extrêmes de dépendance mutuelle. Les performances continuaient jusqu'à ce qu'ils aient atteint la limite de résistance physique. Nous allons maintenant vous parler de ces œuvres emblématiques. La première est « Rythme haut », une célèbre performance de Marina Abramović réalisée en 1974. Dans une galerie de Naples, en Italie, elle décide de laisser son corps à la merci des visiteurs. À l'époque, la performance est un nouvel outil artistique controversé. Beaucoup le voient comme une quête d'attention, exhibitionniste et masochiste. Marina est un vrai précurseur du courant de l'art corporel et le prouve avec « Rythme haut », une de ses performances les plus extrêmes. En 1974, pendant 6 heures, elle laisse à la disposition du public 72 objets pouvant être utilisés sur elle. Il y a des objets de plaisir, tels que du pain, du raisin, un peigne, des fleurs, du parfum, mais aussi des objets de destruction. Un couteau, des lames de rasoir, des ciseaux, une barre de fer et un pistolet avec une cartouche. Le public peut donc les utiliser comme il le souhaite pendant 6 heures, tandis que Marina reste immobile, sans réaction, totalement à la merci du public. Les trois premières heures se passent bien, mais l'audience, voyant la passivité de l'artiste face à leurs actions, commence à devenir violente. On coupe ses vêtements, puis sa peau, un homme boit son sang. Elle est agressée sexuellement. Un homme pointe le pistolet sur sa tempe jusqu'à ce qu'une autre personne intervienne et le retire. Lorsque le gardien annonce la fin de la performance, Marina se réhumanise. Alors le public fuit, honteux. Avec cette performance, Marina a souhaité, je cite, « envisager la performance comme un miroir offert au spectateur. Je mets en scène des moments douloureux et je me nourris de l'énergie du public pour dépasser ma peur. C'est une manière de dire aux gens qu'ils peuvent y parvenir tout autant que moi. » Cette œuvre montre que lorsqu'on ne se défend pas, les gens « normaux » entre guillemets peuvent commettre des erreurs. Elle révèle le pire côté de l'humain. On peut comparer cette œuvre à celle de Yoko Ono qui, en 1965, avait mis des ciseaux à la disposition du public. Nous pouvons à présent évoquer l'œuvre Rest Energy. Marina Abramović se rend à nouveau vulnérable et cette fois, elle est face à son compagnon Ulé. En 1980, à Amsterdam, les deux artistes réalisent une performance de 4 minutes 12 qui sera notamment photographiée par Polaroid. Durant cette performance, Marina tient un arc face à elle et Ulé, lui, tient la flèche. Insérés dans l'arc tendu. Car tous deux se tiennent en arrière sur leurs talons, l'un est donc dépendant de l'autre. La flèche prête à être tirée est dirigée vers le cœur de Marina. Elle peut donc mourir à tout moment, si l'un des deux fait un mauvais mouvement. De plus, des microphones sont également placés sur leur cœur, afin d'enregistrer l'accélération de leur fréquence cardiaque. Ici, la flèche de couleur, rouge vif, ressort par rapport aux autres couleurs, le couple étant essentiellement vêtu de noir et de blanc, et le décor étant complètement blanc. Chacun se regarde dans les yeux, presque immobile, car cette performance demande un certain effort physique. Ici, la confiance du couple est mise à l'épreuve. La vie de Marina dépend du lait. Leurs corps sont en tension et partagent la même énergie. Cette énergie que l'on peut également retrouver dans Rythme haut. Dans un couple, il faut trouver un équilibre ensemble, et Marina et Ulé montrent qu'ils l'ont trouvé, mais que se montrer vulnérable fait partie du jeu. Maintenant, je vais vous parler de The Artist is Present, qui est la plus longue performance de Marina Abramović. Elle fut réalisée en 2010 au Museum of Modern Art de New York. Ici sont placées une table et deux chaises, face à face, dans une grande salle ouverte du musée. À l'ère du numérique et de la rapidité de consommation, Marina revient aux bases. Elle s'assoit sur une chaise et échange un regard avec la personne assise en face d'elle, en silence. Ce regard auquel on ne prête plus attention, pour lequel on n'a plus de temps. Le regard noue un lien fort et intime entre Marina et le spectateur, sans rien pour les distraire. Ils doivent se contenter de se regarder. Pendant presque 3 mois, 7 heures par jour, Marina reste assise face à ces personnes. Près de 1000 ont échangé ce regard avec elle et beaucoup ont été émus aux larmes. L'artiste sera restée assise 736 heures et 30 minutes, sans manger, ni boire ou se lever. Un exploit d'endurance mentale et physique, un défi même pour une habituée de ce type de performance. Avec cette performance, Abramovitch dit vouloir créer une immobilité au milieu de l'enfer et créer un dispositif à même de ralentir le temps et les hommes. Elle ajoute « Quand ils sont en face de moi, il ne s'agit plus de moi. Très vite, je suis le miroir de leur propre ego. » Nous espérons que ce podcast vous a plu. À bientôt !